بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 15e leçon, deuxième partie. Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. أولاد الأسئلة: من الذي غاب أسبوعين؟ لك هو ياسين. ياسين. من الذي جاء متأخرا؟ ماذا قال له المدرس؟ هو نعمان. وقال له المدرس: من جاء متأخرا فلا يدخل حتى يستأذن. ثالثا: في أي ساعة يأتي المدرس للدرس الإضافي؟ يأتي في الساعة الرابعة. لكم كذلك؟ هذا فقط؟ طيب، إذا في ما هي الأسماء التي أخذناها تجديد فعلين؟ قلنا إن كنت الأسماء. الأسماء من؟ من؟ أينما؟ أينما؟ مهما؟ أيو؟ و ما؟ والحرف جوفرين جوفرين وإن أم الباب. وقلنا أن الفعل الأول وفعل شرط والثاني جواب شرط. ثم وقفنا على أن يعني أداة الشرط يقع فيها ما وقع على إذا، يعني إذا كان جواب الشرط يحصل فيها أشياء مثل تكون جملة اسمية وكذا وكذا، أن جواب الشرط تقترين بفاء، تقترين بفاء. فالآن سنقرأ هذا. طيب، يقول: عرفت في الدرس السابق أن جواب الشرط يقترن بالفاء في مواضيع، منها أن يكون جملة اسمية. يعني أن la phrase réponse conséquence c'est une جملة اسمية. مثلا يعني تقول إن تذهب فأنا معك. فهنا أنا معك جملة اسمية، رجعنا الفاء. إن تذهب فأنا معك. Si tu t'en vas, alors je suis avec toi. كيف نقول في الإعراب؟ إن حرف الشرط تجد فعلين مبني على السكون لا محل له للإعراب. تذهب في مضارع مجزوم بإم بإن وعلى جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتير جوازا تقديره هو أو أنت. عفوا، حرف جزم. وفاء هو كان الجواب بشرط، فأنت تفريغية كما قلنا مبني على فتح لا محل له من الإعراب. أنا مبتدأ ومعك ظرف، والجملة الاسمية أنا معك فأنا معك في محل جزم جواب شرط، هي جواب شرط. ثانيا، الموضوع الذي يقع فيها فاء، أن يكون فعلا ترابيا ومن أنواع التراب الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والرجاء وغير ذلك مثلا إن ترى فلانا فقل له كذا وكذا إن ترى فلانا فقل له كذا وكذا هنا جواب شرط أي نعم فقل له هذه جملة طلبية أي أمر وكذلك إن ترى فلانا فلا مثلا تسلم عليه لأنه حزبي مثلا هنا نهي فلا تسلم عليه مثل إذا نفس الشيء نفس الأحكام ثم يقول نذكر الآن بقية المواضع التي كنا أخذنا نحن إذا في جنة يقول ثالثا أن يكون فعلا جامدا في الجامد ما هو الذي يبقى على ما هو عليه جامد إما في الماضي مثلا ما يأتي منه المضارع ولا الأمر سألك في جي لأنه لك فلتا مثلا أحد Donc c'est un fiel qui est figé, qui reste sur un seul temps. مثلا ليس هذا فعل جامد على الماضي. عصى فعل جامد على الماضي. واحد مثلا فعل جامد على الأمر. وهكذا مضارع في جيب لي زمان مضارع مضارع مضارع. تعال مثلا فعل جامد على الأمر. مثلا كما جاء في الحديث من غشنا فليس منا celui qui nous escroque ne fait pas partie de nous فهنا من هو اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا غشنا غش c'est escroqué غش يغش هذا العكس من نصحة في contraire de la nasiha c'est غش هذا فعل ماضي مبني على فتح في محل جزم يعني هو فعل شرط والفاعل ضمير مستتير جوازا تقديره هو والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ف هذا الفاء التفريغية واقع لجواب شرط ليس هذا هذا في الماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب واسمه ضمير مستتير تقديره هو لأن ليس يعمل عمل كان له اسم وله خبر ومنا هذا هو الخبر يعني الجر مجرور متعرض بالخبر والمتعلق بليس أفضل متعلق بليس على كل ليس منا فليس منا هذا جواب شرط جملة جملة فعلية هي لكن الفعل جامد فهي في محل جزم جواب شرط في محل جزم جواب شرط رابعا أن يقترن أي جواب شرط بقد c'est-à-dire qu'il y a code qui rentre dans la جواب dans جواب شرط la phrase réponse aux conséquences مثلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes déjà réussi une grande réussite. فهنا شاهد أينه فقد فاز فوزا عظيما فالشفر شرط أينه يطيع يطيع هذا في الشرط الأول مجهوم بمن وجواب شرط هي الجملة فقد فاز فوزا عظيما بل فقد فاز هو هنا دخل قد إذا دخل قد مجال الفاء مجال الفاء خامسا أن يقترن بما النافية أي يدخل في جواب ما نافية que la réponse ou la conséquence débute par ما de négation نحو مهما تكون الظروف فما أكذب Quels que soient les problèmes, je ne mens pas. Alors je ne mens pas. On a Zulouf, Djabzor, qui veut dire aussi des fois le problème. فهنا عدد الشرط هو مهما في الشرط هو تكون يب تكون هذا في الشرط وجب شرط هي الجملة فما أكذب ثالثا أن نبتلنا بلن ذلك لا réponse ou la conséquence débute par l'aide. Harf d'os, bonafi ou stikbal. Nahou, man labisa al-harira fi dunya fa lad al-bisahu fi al-akhira. Celui qui porte de la soie dans ce bas monde, il n'apportera pas dans l'au-delà. Adamin, adjilat, nahi, lebs al-harir, il lafi haja, masalan, tibbiya, ilaj. Quelqu'un qui a des démangeaisons, c'est que tu portes que la soie, lui peut emporter le feu. C'est quoi l'interdiction? Pourquoi l'interdiction de la soie? Est-ce qu'on s'en est à l'aise dedans? Non, c'est. La soie, c'est une balle dessus, quoi. C'est comme l'or pour l'homme. Donc, on a, elle a adapté le short, man. Elle a mis ça, puis le short. Moi, j'ai un short. فلن يلبسه الجملة كاملة في جواب في محل جزم جواب شرط سابعا أن يقترن بالسين نحو إن تسافر فسأسافر تتوياج رجل وياج هنا إن حرف شرط جزم تسافر على في المجزوم لإن وفير شرط وجار شرط فسأسافر الجملة كاملة في محل جزم. Donc à cause du signe là, on a dû mettre fin. Comme la phrase Jawab al-Shart elle commence par un signe, on a mis le fin. Thaminan, an yaqtarina bi sawfa. Naf shay. Que la phrase débute par sawfa. Nahu, wa in khiftum 'aylatan fa sawfa yughnikum Allah min fadli in jaa. Donc si vous craignez la pauvreté, alors Allah vous apportera, vous enrichira de sa grâce s'il veut. Donc, Aina Shahiduna, in khiftum, ala, ashart. Khiftum, fir ashart. Ou a jawab ashart, fasofa yu'anikumullah. Ada jawab ashart. Ni ada jawab ashart, a jumla fi mahal jaz. Sebab sofa. Walaykum salam. تاسعا أن يصدر بكأنما نحو هذه الكلفات المصبح كأنما نحو أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا tu une vie بغير نفس يعني sans avoir une personne qui n'est elle-même pas tué quelqu'un d'autre avant le Qisas ou qui a fait le désordre sur terre, alors c'est comme s'il avait tué tous les gens. C'est comme s'il avait tué tous les gens. Son meurtre qui vaut un crime humanitaire. Falshaïduna, man qatala. On a man à la charte, ma qatala fi le charte. Falshaïduna, man qatala. Faka anna ma qatala. Walakin al haqiqa, anna hadha yadkhul fi aish, fi le jumal ismiya. Limada? كأن من أخوات إن وإن من الحروف المشبهة بالفعل وكلنا تقول في الجمل الاسمية فهذا هي بعد المثال ما يستحق أن يستقل il doit pas être indépendant ou autre comme une catégorie à part en fait il rentre dans la jumla ismiya celui-là parce que là-bas c'est كأن on a ajouté ما زائدة يعني في القرآن نقول سلا وتوكيد là-bas c'est كأن et qu'Anna bin Akhawad Inna et Inna et ses sœurs elles rentrent dans les jumelles ismiya. Donc celui-là, le 9 là, en vrai c'est fait partie du premier An yakuna jumla ismiya. Wa yakul la yuzamu jawabu shart idhiktarana bifa wa yakuna i'rab hayna idin li jumla fa yuqalu annaha inna afan fi mahal jazm fa kama kulna. Le verbe qui vient après, une jumla qui a qui a le fa, il prend son i'rab apparente et il n'est pas majzoum en lui-même. Ce qui est majzoum, c'est la phrase entière. Fi mahal jazm. La phrase de fa. La phrase commence par le fa, c'est elle qui est fi mahal jazm. فالان التمارين يقول ادخل الفاء على جواب الشرط على جواب الشرط في الجمل الاتيه اذا كان واجبا واذكر اسرا donc rentrer fa dans les phrases suivantes si cela est obligatoire et dites pourquoi من جد وجد celui qui est sérieux trouve عندك يا بابا في فم لا من جد وجد ف جد سي لا فهمت ديال التمارين ils te disent mais le fait il y a besoin de le mettre s'il faut mettre le fait pourquoi ah. لا من جد سي كي سيريو جدّ جدّو. من جدّ. من جدّ فسيجد. لا، c'est pas ça qu'on te demande. Tu te dis, est-ce que la phrase faut mettre le fin ou pas? Non. خلاص. Y a pas de raison de mettre le fin. Ok, reste comme ça. ثانياً. ضاع مني ألف ريال. فمن يجده فيأتي به فيأتيني به له عشره celui enfin, j'ai perdu 1000 rial donc celui qui les trouve qu'il me vienne avec il aura son dixième فيأتي به له عشره لا يمكن أن تغير هذا الفاظ فيأتي به pourquoi فيأتي به فله أيوة فمن يجده ويأتي به فله نعم نعم فله عشره ثالثا مهما يكون سبب غيابك قد فاتك درس مهم quelle que soit ton excuse pour ton absence t'as certes déjà échappé à un درس important tu as manqué un درس important مهما يكون سبب غيابك فقد نعم فقد فاتك درس طيب هناك جملات لماذا جعلت الفاء كنت من الفاء لا جملة اسمية كي جملة اسمية قد فاتك هذه جملة فعلية فعلية كنت من الفاء لأن بسبب مهما الجواب شرط وكنت من الفاء لأن في Il y a quoi au début de la jumla Il y a Là, ce qu'on veut, nous, ce qu'on vient de dire comme ders. Que les gens veulent short, des fois, il y a des choses qu'il faut qu'on est obligé de mettre un fin. C'est pas mahma. Normalement, mahma, il y a jim fi'alayn. Fi'al short, ou ajab short. Maintenant, ajab short, on a mis, t'as dit qu'il faut mettre un fin. Pourquoi on met un fin? Qu'est-ce qui fait sortir cette phrase-là de son origine? Combien à faire et combien pas qu'un film majzoum? On va venir les 9 causes. Dans quelle cause il rentre celui-là? Dans le code. Voilà. La code. Rabian, in takun mashroulan, al-an, sayatika raden. Sayatika raden, la femme. Si tu t'es occupé maintenant, je te viendrai demain. تكون مشغولا الآن فسآتك غدا نعم لماذا الفاء يقترن سبت. نعم بسم. خامسا انتهى الدرس فمن أراد أن يخرج ليخرج. Le cours est terminé. Donc, qui veut sortir, qu'il sorte. Non. Il est. Fali Yahrouj. Aïe, ouais, Fali Yahrouj. Il m'a Illa, c'est pas in ou Allah. Quand tu dis Illa, tu dis ça dehors, Illa. Où ça? Dehors. Non, ça dépend. Illa, ça peut être istisna, ça peut être Illa, in ou Allah. Mais généralement, in ou Allah, il y a peu de gens qui l'ont pas. Mais eux, quand ils le disent, c'est quoi? Ça peut être bala, ça peut être sauf, ça peut être. Ça dépend de la phrase. Ah, c'est pas in plus là. Hein? C'est pas in plus là. Ça peut être aussi, ça dépend de la phrase. Tu vois, tu le discernes avec le sens de la phrase. سادساً إن يأتي ساعة العشرة إن تأتي ساعة عشرة تجدني في البيت إن شاء الله. Si tu viens à 10 heures, tu me trouves à la maison, inshallah. إن تأتي ساعة العشرة ما في نعم ما يحتاج هنا. سابعاً مهما تقول لي لن أصدقك. Quoi que tu me dises, je ne te croirai pas. Lima Naam. Thaminen. Qala al-muraqib lil-mudarris man jaa mutaakhiran la tasmah lahu bid-dukhul. Donc le surveillant a dit à l'enseignant, quiconque vient en retard, alors que je n'accepte pas, ne le laisse pas rentrer. Donc, il ne permet pas de rentrer. Je t'en prie. Que flasher. T'as fait le chien, Anna. Qu'est-ce que t'as coulé le chien? T'as vu aussi, Rana. Là, t'as fait le chien. Khalil Kadam. Aïe. Aïe. Anna. نعم في الطلب تاسعا إن أنجح بتقدير ممتاز أحصل على جائزة. Si je réussis avec de bons résultats, j'obtiendrai une récompense. ما يحتاج لكن يحتاج إلى لا أحصل على جائزة عفوا. C'est moi, je n'ai pas lu le istifham. In anjah bi taqdir mumtazin a ahsulu la jaiza. Si je réussis avec un bon résultat, est-ce que j'aurai une récompense? Non. Tu auras du haj. Il n'y a pas istifham. Istifham. C'est là. C'est fa ahsul en fait. En vrai, là, le fait va venir entre les deux à Hamza. Tu vas dire, en fait, in anjah bitokdir mumtazin. En fait, ça aurait été arsul. On écrit mille mille fois pour que tu le vois, sinon tu n'as pas pu le voir. En fait, c'est afa arsul. Tu dis pas afa arsul. En vrai, là, il y a un truc spécial. C'est que le Hamza Sistifam, il viendra avant le fait. Mais il faut mettre le fait. Ashiran. إن تكون مستعجلا لست مستعجلا. Si tu veux presser, je ne suis pas pressé. إن تكون مستعجلا فلست مستعجلا. لماذا الفاء؟ فعل جامد. نعم فعل جامد. هذه عشرة. إن تراه صحيحا ما أراه صحيحا. Si tu le vois correct, moi je ne le vois pas correct. Non. Mais la fia, personne. Ça n'y a Ma ansa, la ansa. Zak al manzar. Ma ma ansa, fala ansa, zaga mandor, d'accord, la phrase là, ce que je vois, je n'oublie pas, ce que je n'oublie pas, la phrase là me perturbe là. Fala tansa. Non, la phrase, je n'ai pas cerné là. Ma ansa, ce que j'ai oublié. Fala ansa, zakal mandor. Je n'ai pas oublié. Lala. La chose que j'ai oubliée. J'oublie, mais je n'oublie pas zakal mandor. J'oublie, moi j'oublie, mais j'oublie pas, c'est un istithna. J'oublie, mais j'oublie pas le. Il n'y a pas d'istithna là. Si j'oublie. C'est pas si, c'est ma là, le jazim. C'est ma phobie, mon code d'âme. Ce que j'oublie. Alors je n'oublie pas ce paysage. Je crois qu'il n'y a rien à mettre en fait, c'est ça. Ce que j'oublie, alors je n'oublie pas ce paysage. Là c'est l'afia, c'est pas l'ahia. Et le amsa thani. C'est genre le chef de Majim par ma. Et la phrase par est là. Par là. Qui fait là? C'est ça là. Là, ça. Ça, c'est la nafia, c'est pas la hiya. Nafia. Eh ben, il n'y a rien avec la. Allez, et le Majim par ma. C'est genre le chef. Après, Inch'Allah, on passe celle d'après. Salut, Fachar. In yas'alaka ahadun anni kullahu ana inda al-mudir. Si quiconque t'interroge. À mon sujet, je dis lui, je suis chez le directeur. Nana? Naam. Naam. Arabi Achar. Man yulid hada al-kitab wa inda al-mudir. Celui qui veut ce livre, il est chez le directeur. فهو عند المدير. نعم. لأن اسمه جملة اسمية. طيب. من 15 إلى 20 هذا في البيت. إن شاء الله. تمام. ثانيا يقول تعمل المثال ثم كون جملا على غرار على غراره مستعنيا بالعبارة الآتية المثال من أراد أن يخرج فليخرج. Donc il a dit de composer des phrases à l'exemple en faisant des exemples suivants. مثلا يقول celui qui veut sortir alors qu'il sorte. طيب الجملة الأولى من أراد أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا. نعم. Celui qui va entrer au paradis alors qu'il a accompli de bonnes œuvres, des œuvres pieuses. فليعمل. ثانيا. من أراد أن يعرف الأخبار فليقرأ صحف ويسمع الإذاعة. نعم. Qui veut connaître les informations alors qu'il lit les journaux et qu'il écoute dernier la radio. ثالثا من أراد أن يجلس في الصف الأول في المسجد فليذهب مبكرا. Celui qui veut s'asseoir en premier rang à la mosquée alors qu'il aille tôt, qu'il s'y rende tôt. رابعا من أراد أن يسألني سؤالا فليسألني بعد انتهاء الدرس. Donc celui qui veut m'interroger, qui me pose une question plutôt, alors qu'il me la pose ou qu'il m'interroge, après la fin du cours. Celui qui veut aller à l'hôpital, alors qu'il prend une feuille du directeur. ممتاز فليجتهد ليلا نهار. Donc, qui veut réussir avec de bons résultats, avec un excellent niveau, on va dire, alors qu'il soit studieux nuit et jour. Ça va bien. من أراد أن يفهم الإسلام فهما جيدا فليتعلم لغة العربية. Qui veut comprendre l'islam avec une vraie compréhension, une bonne compréhension, alors qu'il apprenne la langue arabe. Sahih. ثامنا. من أراد أن يحترم الناس فليحترمهم. نعم. Celui qui veut être respecté par les gens alors qu'il les respecte. طيب ثالثا عين أداة الشرط وشرط وجوابه في كل جملة مما يأتي ده خطا واحدا تحت أداة الشرط وخطين تحت الشرط وثلاثة خطوط تحت جواب الشرط وإذا كان الجواب مقترنا بفاء فاذكر السبب. Donc là il veut dire quoi? Que vous devez trouver l'outil du short, ce qui fait le jazim, on va dire. Après le verbe short, ensuite sa réponse, sa conséquence, de souligner d'un seul trait sous la date short, le jazim, et deux lignes sous le verbe short, et trois lignes sous le jawab short. Et s'il y a le fait, dire pourquoi il y a le fait. Nada, c'est Yakoun Filbeï. طبعا احيانا الان يقول يكون يكون ما معنى يكون اصلا هو يكون سيكون مجزوم وفت يكون سيكون مجزوم يقول يجوز حذف نون يكون تكون اكون نكون المجزومات il t'est permis d'enlever le nun lorsque يكون il est مجزوم donc tu écris comment يكون كان في قول تعالى سورة مريم ولم أكو بغيا alors je ne disais pas une prostituée كما قالت مريم ولم أكو بغيا donc c'est permis. Il y a des chouroutes, c'est pas permis là, catégoriquement. Il y a des chouroutes, mais là-bas c'est permis. Donc si tu vois Yakou, à un moment sache que c'est Yakoun en fait. رابعا حتى عشرة أمثلة للشرط والجواب على أن يكون الجواب في كل واحد منها على نحو التالي جملة اسمية أنت تفضل يعني donne 10 phrases de short avec sa réponse et en premier que la première que sa réponse soit une جملة اسمية. Celui-là. Sinon, je crois que c'est d'autant plus le temps que vous réfléchissez à trouver une phrase. Le meilleur, c'est de le faire à la maison. Il va faire beaucoup de devoirs. Tamam. Khamisan, atril kullan min adawati shart al-atiyati fi jumlatin mufida. Donc, rentre les jawazim qui sont là, dans une phrase qui a un sens. أولا إن عندك إن ينزل المطر فليأخذ الرجل القيرة تعطفه مذلل مذلل. Donc, si la pluie tombe, que l'homme prenne la parapluie. Man. Man yuridu khuruj, fa yakhruj. Si celui qui veut sortir, qu'il sorte. Mahma. Ma. Ma awal al-nam. Ma. لا أحد لا أحد يخرج لا هذا من أدوات الجزم لا تذكر لا تجد ما تجد جد لا الجزم لا لا لا لا تجد دفتر عال فليشتري من يريد ترجم جملتك ما سوف تجعين ما سوف تجعين Ma, ça ne veut pas dire si. Je n'ai pas trouvé. C'est pas une négation. La chose que j'ai trouvée. Ce que. Ce que j'ai trouvé. Mais non, ta phrase n'a plus. Ta phrase n'a plus le sens. Là. Tu reprends une nouvelle phrase avec ma. Mais ma. Ma na mausula ou nafia. Ah, déjà, dis mal. La mausula ou la nafia. Non, mais ma na nafia. Là ma ta phrase. Enfin, ce que tu fais, je le fais. Eh, ma mausula. Ma. Mais il y a mon sou là, il y a déjà Zima. Mais c'est la même chose que mon sou là. Non, parce que mon sou là, par contre, mon sou là, t'as besoin d'une jumelle à silène. Il n'y a pas de silène. Là, t'as un short, un jumelle de short. C'est pas une mon sou là. Là. ما طلبوا من العلم فليحتاج اجتهاد ايش فليحتاج الى اجتهاد ايش الجغرافيا يقال ما تبطرون فليا تاكل ما تاخذ من العلم يحتاج الى اجتهاد تو بافا تفضل من الدفاع دو لي دو لا والسلطه فاز اسكو تي بون كونفيونس il y a besoin de jihad. T'as pas besoin de l'imam Allah, ni de faire. Fira Am. Ça en fait, non. De quoi? C'est pas le ma. Si, c'est celui-là. C'est là. Celui-là. Et Mahma? Mahma, t'as le bourg. Ah, cool. Non. Chut. Quoi que tu cuisines, je le mange. Mata. Mata. Mata. Mata. Tu. Tedro. Mata. متى تدعو الناس إلى الإسلام فاتقوا الله أين أين تتوجه وقت تدريج ومدريج أي أي شيء تعمل أي شيء تعمل فأحسن نعم pour que tu appliques ou que tu passes alors fais-le bien طيب نواصل قال في الدرس كم مرة قلت لي هذا؟ كم مرة قلت لي هذا؟ هذا كم الخبرية cinquième celui-là d'exclamation d'information c'est pas un كم d'interrogation معناها كثير فمعنى الجملة قلت لي هكذا مرات كثيرة tu me dis cela beaucoup de fois quand tu dis combien de fois tu dis cela ça veut dire quoi le sens tu me dis cela plein de fois هذا هو المعنى هنا كم جلس هنا ما هي كم استفهامية هذه كم خبرية هذه معنى التعجب والإكثار tu veux démontrer une chose qui est très nombreuse tu veux pas vraiment la... c'est pas vraiment une question que tu poses c'est plutôt une forme de réprimande une forme de remarque طيب يقول نذكر بعض أحكامها nous allons citer certaines de ces règles يعني pour les différencier entre كم الخبرية و كم الاستفهامية comment différencier entre les deux أولا يقول عرفت أن كم الاستفهامية تمييزها منصوب نحو كم كتابين عندك donc كم الاستفهامية c'est quoi qui vient derrière اسم منصوب منصوب c'est un تمييز donc c'est un film tu vois un تمييز qui vient après كم c'est كم الاستفهامية يقول ويجوز جره إذا جرت جرت فان كم بحرف جر نحو بكم ريال هذا القلم انت الغد مت أجر si jamais il y a un حرف جر qui est en كم son اسم qui vient derrière il peut être soit منصوب soit مجرور tu peux dire par exemple بكم ريال هذا القلم وبكم ريال هذا القلم les deux sont permis à condition qu'il y ait un harf jar qui soit entré dans Kam. Et là, c'est le Kam quoi, là ? Kam istifhamiya, celui-là. Amma tamiz Kam al-khabariya fayajibu jarruhu. Et dit, par contre, le tamiz du Kam al-khabariya, d'information, d'exclamation, il est obligé d'être majrour. Il est obligé d'être majrour. Et de là, comme disait Cheikh Abou Bilal, al-Hadrami, à partir du moment où il n'y a plus mansoub, ça ne s'appelle plus un tamiz. Car un tamiz, il est forcément mon faute. Un tamiz, il est forcément mon faute. Eux, ils l'ont appelé tamiz, mais ce n'est pas un tamiz. Donc, Yakul, le nom qui vient après le kam, khabariya, est obligé les majurur. Nahu, kam najmin fi sama, combien d'étoiles dans le ciel? Halad as-suel, c'est une question ça? C'est une exclamation, c'est une remarque que tu fais. En vrai, tu ne cherches pas de réponse. Wakod du jarru bimin. Et il se peut que le nom qui vient après Kam soit majrur par min. Nahuqouli ta'ala, Kam min fi'atin qalilatin gharabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Et combien de groupes, il y en a peu nombreux, quand on dit qalila, c'est-à-dire c'est un groupe petit, ont triomphé sur des grands groupes par la permission d'Allah. Vous voyez, par la permission d'Allah. Donc là, c'est quoi le shahid ? Kam min fi'atin. On a fiatine, il est majeur par min. Mais le kem là, c'est un kem khabariya. Et combien de fois cela est arrivé? C'est pas une question en vrai. C'est une remarque. Ou un kulsanien, t'as mis kem istifhamiya, mufrad. Quand c'est kem avec une question, son tamiz est mufrad. Il n'y a pas de djem. C'est un mufrad mansoub. Ama t'as mis kem khabariya, fa mufradun ou majmouun. Alors que kem khabariya, son nom qui vient derrière, il peut être moufrad, singulier ou pluriel. Les deux sont permis. Nahu, kam kitabin qara'ta. Combien de livres as-tu lu? Ou kam kutubin qara'ta. Pareillement, combien de livres as-tu lu? En français, ce sera pareil pour nous. Les deux là, c'est kam khabariya. Tu peux dire kitab ou tu peux dire kutub. Tu peux dire les deux. Ou al-ifradu akthar wa ablar. Mais le fait de mettre en singulier est plus fréquent et plus éloquent. Alors que le kam istifhamiya, on a dit quoi? Il peut être que mufrad. Kam kitab al qara'ta, là c'est une question. Combien de livres as-tu lu? Isnaïn, Salafa, Arba. Là c'est une question. Alors que l'autre c'est une remarque. L'autre c'est une remarque. Donc là, en fait, il a fait une forme de tableau en mettant la différence entre les kams, les deux kams. Qui a deux kam, ta kam istifhamiya et ta kam khabariya. Kam istifhamiya, c'est là, t'as cool, kam kitabin indak. Donc là, dans le cas Mistifhamia, tu es obligé d'avoir ta mise dans le souk qui vient derrière et Mufrad. Et Kam Khabariya, c'est obligé d'être majrour. Parce que Kam Kitabin Andak. Ou tu peux dire aussi Hafoujar. Kam Kitabin Andak. Et tu peux mettre en jam. Kam Kutubun Andak. Combien de livres as-tu? Genre, t'en as trop quoi en fait. Par exemple, demain tu vois un frère, il achète des livres, il a plein de couteaux. Il a pas besoin, tu dis. Kam Kitabin Andak. C'est combien de livres déjà toi? Tu vois? C'est pas une question que tu lui poses, c'est la remarque que tu lui fais. Elle t'aime. يقول حول كام الاستفهامية فيما يلي إلى كام الخبرية. Donc là transforme le كام de question interrogatif sur le كام exclamatif. أولا كام ريالا أعطيتني. Combien de ريال m'as-tu donné? كيف تقول؟ كام من ريال أعطيتني. نعم. ثانيا كام طالب غاب اليوم. Combien d'élèves ont été absents aujourd'hui? Non, là c'est combien d'élèves ont été absents? C'est-à-dire c'est un trop grand nombre. Trop quoi en fait. Ça a dit ça. Non. Là, par exemple, tu as Non. Si tu mets mine, c'est quel le khabariya? Là, il n'y a pas de mine. Là, il n'y a pas de mine. Là, il n'y a pas de mine. Là, il n'y a pas de mine. Là, il n'y a pas de mine. Là, il n'y a pas de كم ساعة نمت؟ كم ساعتين نمت؟ نعم. Donc demain je vais vraiment savoir combien d'heures t'as dormi. Je dis combien d'heures t'as dormi. Ça m'a fait la hirasa. T'as dormi plus longtemps que moi. Et combien t'as dormi toi? Combien d'heures t'as dormi? Là je dors 2 heures. Je l'ai dit comme une heure. Et par contre quand il dort trop le frère, tu dis combien d'heures t'as dormi toi? Là tu blâmes en fait. طيب ثانيا هذا العكس الآن. حول كام الخبرية في الجمل الآتية لكام استفهامية؟ كام بابا للمسجد الحرام؟ نعم. كام مساجدا في هذه المدينة الصغيرة؟ نعم. بكام الدوائن؟ ها؟ بكام؟ الدواءان تتناول كم من المدكامون؟ طيب يقول ينبه المدرس الطلاب لي يعني كيفية نطق أن الكلام كما تبقونس فمن الديفرنس بين الدو كام سي لا تونسيون تي فاكوند. La tonation que tu vas prendre, elle va t'apporter une différence en fonction de la phrase. Yakulawalen, elle tanrim, elle khas, bikulli, kam, elle stifhamia ou kam al-khabariya. Tanrim, c'est l'intonation. Masalen, si je veux une stifhamia, je veux dire, kam kitaben karata. Combien de livres as-tu lu? Masalen, mon intonation te prouve que quoi? Là, j'ai une question. J'ai une réponse. Si je te dis, kam kitaben karata, là, je te demande combien de livres t'as lu? En tant que c'est du livre de science, je suis pas de blâmer, tu vois. On dit que c'est des livres, je sais pas moi, tout qui ne servent à rien. Un roman policier, par exemple. Dire, qu'est-ce que t'as que t'aimes quand t'as combien t'as lu de livres comme ça? Arrête. Ah, ça suffit maintenant. Ah, mais c'est le couteau de l'aïm, je vais pas te dire ça. Il y a machin, c'est ta vie, alhamdoulilah. À part si tu lis, tu lis et tu laisses d'autres choses à côté. Par exemple, je sais pas moi, faire de la salade, tu dis, ouais, je lis. Non, arrête, ça, l'aïm. Khal kitab, tout ça, lis. Non, c'est ta fille, t'as trouvé l'aïm. Tu dis, non, mais l'aïm, top, l'aïm, Allah, yakul, waqimus salah. Donc maintenant, c'est l'heure de la salade, tu fais la salade. Lui, tu peux le réprimander pour ça. Ça, c'est Shaitan qui veut te détourner des actes obligatoires. Taïeb. Wafanien, alamat, el tarqim, el khasa bi kulli minhuma. Là, maintenant, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent les ponctuations. Par exemple, Kem Istifhamia, tu vas mettre quoi? Un point d'interrogation. Nokta Istifhamia. Alors que le Kem Khabariya, tu vas mettre quoi? Nokta Ta'ajubiya. Un point d'exclamation. Donc, dans l'intonation, tu auras une différence. Dans l'écriture, si tu mets des ponctuations, tu auras une différence aussi. فنقف هنا إن شاء الله. فأخذنا اليوم في أدوات الشرط التي تجزم فعلين أن أحكامها نصف أحكام هذا. إذا كان جواب شرط جملة اسمية أو طلبية أو دخل قد أو بلن أو بما أو بسين أو صفر غير ذلك يجب الاقتران بالفاء. تمام؟ كافي إذا والجملة التي هي جواب شرط هي في محل جزم. وقلنا كذلك الفرق بين كم استفهامية وكم الخبرية. Parce qu'après il parle d'un truc. Là c'est l'ordre, je trouve qu'il n'est pas, il n'est pas logique. Il va ramener un truc qui se rapporte au Mansoubat. Mais je vois que ça aurait été mieux qu'il mette ailleurs. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on prenne un derrière, ça fait un peu long. Il n'y aurait pas eu ça, on aurait continué le poursuivi, ça aurait été facile. Mais ce point-là, là, il est un petit peu long. Fa nu'adjilu ila ghadin, inch'Allah. Qui souhaite ? Fa la'ula. Alhamdulillah.